Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les années folles à Paris et à Berlin. Aujourd'hui, toute notre génération paraît une génération idyllique. Et en réalité, rien n'est idyllique. Les hommes se forment avec leur jeunesse et deviennent les hommes de leur génération. Je vous que la mienne, maintenant, elle ne m'intéresse plus beaucoup parce qu'elle a été prise en main par les autres. On l'a déjà statufiée, idyllisée. Elle rentre dans les manuels. Idyllique et idylliser la génération des années folles avance l'auteur Louis Aragon dans cette entrevue diffusée à l'émission Rencontres françaises en 1960. Figure importante de ce Paris des années folles, Louis Aragon va participer à la naissance du dadaïsme et du surréalisme dans ces folles années 20 parisiennes. Paris, c'était la ville à la mode, le havre des écrivains et des artistes du monde entier. Montparnasse, avec ses cafés, était le rendez-vous de tous ceux qui allaient dans les années à venir porter un nom célèbre. Hemingway mettra plus tard dans la bouche d'un de ses héros cette phrase qui résume bien ce tourbillon parisien. J'ai connu quelques personnes merveilleuses qui, bien qu'elles allassent directement au tombeau, ce qui fait de toute histoire une tragédie dès qu'on la suit jusqu'à son terme, s'arrangeaient pour accomplir en route de très belles performances. Ces personnes merveilleuses venaient du monde entier. Elles avaient été désaxées par la guerre. Pour elles, les valeurs morales, artistiques et humaines avaient pris un autre sens. C'était ce qu'Hemingway allait appeler, dans l'exergue du soleil se lève aussi, la génération perdue. Extrait de l'émission « Les bonnes adresses du passé » diffusée à l'ORTF en 1969 pour nous parler de cette génération perdue qui va plonger tête première dans cette effervescence et cette ivresse des années folles, l'historien Éric Dussault. Éric Dussault, bonjour. Bonjour Jacques. D'abord l'expression « les années folles », Éric, ça vient d'où? Pourquoi les années folles? Parce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale avant. C'est tout simplement ça. Et que c'est la grande explosion après. Ben voilà, donc 1,4 million d'hommes décédés du côté français durant la Première Guerre. Il y a 600 000 veuves en France. Il y a toutes ces gueules cassées, ces gens qui sont revenus de la guerre avec des mutilations, avec des visages défaits. Vous comprendrez que dans ce contexte-là, les années qui ont suivi ne pouvaient qu'être folles. Et ça a coïncidé, c'est vrai, avec une décennie pendant laquelle il y a eu une certaine liberté, assurément, entre autres, je pense à l'homosexualité, qui à ce moment-là choque beaucoup moins qu'à d'autres époques. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte à 100%, puis ça dépend des milieux, mais il y aura quand même un vrai monde gay qui existera à Paris, on tout comme libère, à Berlin. On se libère, ça éclate. Oui. Paris-Berlin, c'est les deux villes, effectivement, qu'on va visiter ensemble. Et donc, dans les deux villes, il y aura cette culture de l'homosexualité. C'est les deux villes européennes, au fond, qui probablement incarnent le mieux ces années folles des années 20. Pourquoi ces deux villes-là? Ben parce que ce sont entre autres des métropoles. Dans le cas de, tiens, je vais commencer avec Berlin. Berlin est rendu à 4 millions d'habitants à ce moment-là parce qu'en 1920, Berlin a récupéré la banlieue. Donc, ça fait grossir la ville en termes de population, mais aussi ça en fait la capitale européenne la plus étendue sur le territoire. Paris, 2,8 millions d'habitants à peu près à ce moment-là. Donc, ça en fait quand même des villes importantes. Dans les deux cas, c'est la part de l'étranger qui sera déterminante. Ouais. Énormément de gens qui viennent de d'autres pays européens, puis même des États-Unis entre autres pour ce qui est des années folles en France, à Paris. Alors, ce sera un apport étranger, beaucoup, qui va expliquer pourquoi on parle d'années folles et pourquoi c'est ces deux villes-là qui sont particulièrement importantes, parce qu'elles sont tous les deux marquées par le cosmopolitisme. Ouais. Tous les deux, on parle de Babel pour les décrire. Vous parlez des États-Unis. Faisons un petit détour, justement. Ça va se passer comment, les années folles, du côté américain? Du côté américain, ben là, on tombe dans la prohibition aux États-Unis. Donc, ça veut dire que du côté français, il y a encore plus d'intérêt pour les Américains à venir qui vont pouvoir fuir cette prohibition-là. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a la Harlem Renaissance aux États-Unis à ce moment-là avec W.E. Du Bois, qui est un penseur important du monde noir afro-américain. À ce moment-là, c'est plutôt le monde afro-américain qui va avoir une grande place, qui va s'approprier une identité, une fierté d'être noir, d'être nègre, comme diront les Sangor et autres un peu plus tard au 20e siècle. siècle. Donc, du côté américain, ça se passe beaucoup chez les Afro-Américains, mais il y aura quand même cet apport afro-américain à Paris et en Europe aussi, puisqu'après la guerre, il y a ce qu'on appelle les military bands qui vont rester en sol français, entre autres, et qui vont animer Montmartre à tel point qu'on va parler de Harlem in Montmartre. Cette culture noire, donc, elle sera très forte à Harlem comme telle, mais elle va aussi être très forte dans ce Paris des années folles. Vous parliez il y a quelques instants, du fait que et Paris et Berlin vont vraiment être des pôles d'attraction. Les gens de partout dans le monde, les artistes de partout dans le monde entier viendront dans ces deux villes-là. Qu'est-ce qui, dans le Paris des années 20, qui y vient d'abord et qu'est-ce qui attire tant d'artistes dans ce Paris-là? En tout cas, si on fait référence aux Américains, entre autres, on peut parler d'Hemingway. À l'époque, avec le dollar américain, on peut vivre à Paris assez aisément. Donc, le taux de change est favorable. Alors que pour les Français, c'est une bonne affaire. Tout à fait. Ensuite, il y a une mythologie entourant Paris. Il y a eu la Belle Époque avant. Là, on est dans les années folles. Il y a toute une mythologie de liberté, notamment l'érotisme qui a toujours été associé dans le Paris récent. Donc, on vient s'encanailler, s'amuser dans le Paris des années 20. Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein est un bon exemple, écrivaine américaine qui vit à Paris, qui a chez elle des œuvres d'art, des écrivains qui viennent régulièrement lui rendre visite. Son goût est très respecté, ses opinions sont respectées, mais elle vit une relation homosexuelle avec une autre femme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut se permettre à Paris. Plus grande liberté. Ah oui, c'est clair, de ce côté-là, au niveau des mœurs. Et il y a toute cette culture des cafés. C'est Saint-Germain-des-Prés avant Saint-Germain-des-Prés, c'est Montparnasse. Donc, c'est la Coupole, c'est le Dôme, c'est la Closerie des Lilas. On fait ce qu'on fera 20 ans plus tard. Donc, quand on est un artiste ou un pseudo-artiste ou un écrivain, on va s'attabler dans ces cafés-là pour se faire voir. Mm-hmm. Parce qu'il y a ça aussi. C'est important de fréquenter ces lieux-là pour avoir une légitimité, pour se créer un réseau. Et après ça, évidemment, pour être lu par nos collègues et puis avoir des commentaires. Donc, cette culture de café à Montparnasse qui est concentrée dans ce quartier-là. Avant la guerre, c'est Montmartre qui est le quartier général de l'intelligentsia intellectuelle et artistique. Là, ça devient Montparnasse dans l'entre-deux-guerres. Et c'est entre autres parce que les prix sont abordables, c'est possible à ce moment-là de pouvoir fréquenter ces lieux et d'y rester longtemps, de longues heures. Donc, lieu de rencontre, ça vient de partout dans le monde. Vous l'avez évoqué, mais il y a aussi dans ce Paris des années 20, dans cette ville internationale, une forte présence de la culture noire et au cœur de cette culture noire et de ce mouvement, Joséphine Baker. Joséphine Baker, ça c'est la merveille, parce que cette petite fille de Saint-Louis, Missouri, qui faisait des tournées depuis l'âge de 12-13 ans et qui à Harlem a vraiment eu la vie dure, brusquement, premier rôle de la revue nègre en octobre 1925, a fait l'unanimité de la critique parisienne. Et de là, elle est partie rayonner sur le monde. Alors, quand elle chante « J'ai deux amours, mon pays et Paris », c'est parce que Paris a été le lieu de sa réalisation. J'ai deux amours, mon pays et Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi. S'il y a tant d'Anglaises et d'Américaines qui sont venues à Paris, c'est pour deux raisons. D'abord, Paris était un centre artistique. Paris, reine du monde, chantait-on, c'est une chanson, Paris, reine du monde, Paris est une blonde. Bon, elle n'était pas seulement une blonde, c'était vraiment un centre. Et à l'époque, aux États-Unis, il y avait la prohibition, toutes sortes de, de reflambées du puritanisme, en même temps qu'une grande avance des femmes, d'ailleurs. C'était parallèle. Le voir un jour, c'est ton rêve joli. Extrait de l'émission Les Belles Heures sur cette musique de Joséphine Baker. Les Belles Heures en 1985, celle qu'on y entendait, c'est l'auteur Dominique De Santis. Quel rôle, quelle importance, en fait, elle aura, Joséphine Baker, dans ce Paris des années 20? Qu'est-ce qu'elle incarne Éric Dussault? Je suis content que vous me posiez la question parce que c'est indissociable du culte du primitivisme. Dans la France de l'entre-deux-guerres, des années 20, on va beaucoup apprécier les Afro-Américains, on va revenir à l'Afrique parce qu'on considère que ce sont des peuples non civilisés, des gens qui sont plus près de l'état de nature, on pourrait dire, que de la civilisation. Alors les artistes, entre autres, vont s'inspirer de ça. Les surréalistes vont beaucoup aimer le jazz parce qu'ils vont justement considérer que c'est un style non civilisé. Eux qui s'intéressent justement à la spontanéité, hein, qui flirte avec les idées freudiennes, on en reparlera tout à l'heure. Mais donc, c'est ce qu'incarne, entre autres, l'afro-américain et l'africain, l'absence de civilisation. Et la Revue Nègre, en 1925, lorsqu'elle met en vedette Joséphine Baker, ben c'est ça, avec les pleurs de bananes et tout ça. Dans un documentaire que j'aime beaucoup sur les années folles de la RTBF, que vous pouvez retrouver en ligne sur le web, on dit la croupe qui rit. Hein, il y a quelque chose chez Joséphine Baker qui excite les hommes. Elle rend les hommes littéralement fous. Ouais. La façon dont elle se déhanche. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'absence de civilisation chez les nègres, comme on les appelle à l'époque, ça a aussi un lien avec la sexualité qui serait débridée. Et elle, elle l'incarne magnifiquement bien. Mm-hmm. Et comme beaucoup de femmes de cette époque-là, elle aura des amants célèbres. Alors, ça veut dire aussi qu'on parle beaucoup de son potentiel érotique, mm-hmm. de sa libido et tout ça. Donc, ça explique... C'est la réaction qu'elle suscite chez les hommes, de l'envie, et chez les femmes, de la jalousie, qui explique en grande partie peut-être son succès, en plus de son talent, évidemment, ouais. Ça va de soi. Et dans cette mouvance noire qui habite ce Paris des années 20, il y a évidemment le jazz. Tout à fait. Dont un des noms est incontournable, Sidney Bechet, saxophoniste afro-américain, qui va avoir une belle carrière à Montmartre. Dans le monde anglophone, chez les historiens, on parle de Jazz Age Paris, littéralement, Harlem in Montmartre et Tumulte Noir. Donc, trois expressions qui résument bien la vie nocturne de Montmartre qui est axée sur la musique jazz, alors qu'à Montparnasse, c'est davantage associé au café, aux peintres, aux écrivains. À Montmartre, c'est le monde noir, c'est après minuit. Hein. Mm-hmm. On n'arrive pas là à 9h le soir. C'est vraiment après minuit, le traditionnel club de jazz qui ouvre ses portes très tard la nuit. Et on va aller s'amuser là-bas, danser, parce que la danse est associée au jazz aussi. C'est incontournable. Mm-hmm. Si on écoute de la musique, on danse dessus aussi. Ça explique son grand succès. Ça permet de déhancher, de s'amuser, de suer en écoutant cette musique-là. Et puis, ça permet aux Afro-Américains d'avoir un statut particulier, à tel point que dans les années 30, en France, on va adopter une législation qui va faire en sorte qu'il y aura maximum 10% des orchestres à Paris qui devraient être constitués de musiciens étrangers, parce que là, on trouve que ça va trop loin. Il y a une menace. Il y a des gens qui ont peur. On parle d'une menace de négrification. Tout à fait. Dans la droite, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la situation politique est trouble à ce moment-là. Il y a beaucoup de gouvernements qui se succèdent et c'est une grande période pour l'action française de Charles Maurras. Là. Donc, les Maurassiens, comme on les appelle, vont vouloir une France pure, blanche, racialement éloignée de celle qu'on retrouve à Montmartre. Donc, ça veut dire qu'il y a un contre-discours. Il y a ceux qui aiment le jazz, ceux qui l'apprécient, mais il y a tous ceux qui sont critiques, qui trouvent que les Noirs sont trop présents partout et que la France risque de perdre de sa civilisation. Ouais. Hein. Il y a dans cette France des années 20, on l'a très, très rapidement évoqué, cette mode. Bon, il y a les surréalistes, il y a les dadaïstes mm-hmm. qui vont prendre naissance. Et puis, il y a un lien à faire avec cette mode qui sera bien présente dans le Paris des années 20 autour de Freud, de la psychanalyse. Incontournable. Eugénie Sokolnicka et Marie Bonaparte, deux femmes qui sont à Paris et qui vont toutes les deux créer le premier congrès de psychanalyse de langue française à Paris et qui vont créer la Revue française de psychanalyse en 1927. Elles sont toutes les deux des représentantes de Freud en France. Elles vont traduire les travaux de Freud et elles organisent des salons où des écrivains célèbres vont se rendre. Et grâce aux analyses qui vont être faites de ces écrivains-là, à leur tour, eux-mêmes vont diffuser en France, dans leur milieu, les idées freudiennes. Mm-hmm. Donc, elles sont très, très intelligentes. Elles s'organisent pour avoir l'appui de la colonie artistique parisienne. Et après ça, eux deviennent des porte-parole aussi de la psychanalyse. Et c'est important, hein, l'histoire des femmes, on n'en parle pas souvent, mais ce sont deux femmes qui sont derrière ça, notamment l'arrière-petite-nièce de Napoléon, Marie Bonaparte. Puis d'ailleurs, pour faire le pas avec les surréalistes, ils vont s'alimenter à cet inconscient freudien. Tout à fait. L'inconscient, l'analyse des rêves, l'hypnose et surtout l'écriture automatique, c'est-à-dire celle qui vient d'un premier jet et qu'on ne contrôle pas avec son cerveau, on laisse aller cette écriture-là, c'est une idée purement freudienne. Mmh. Welcome and bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, to cabaret. Meine Damen und Herren. Alors là, on se retrouve, Éric Dussault, à Berlin, cette ville de 4 millions d'habitants déjà, nous disiez-vous, dans les années 20. Et Berlin, plus encore que Paris, va être à la fois une ville d'avant-garde et une ville où les arts de la scène vraiment oui. vont être foisonnant. Tout à fait. On pourrait dire que Paris est plus associé aux avant-gardes dans la peinture, entre autres, avec Chagall et tous les autres expatriés. C'est vrai que Berlin sera davantage associé aux arts nocturnes. Et pourquoi on explique ça? Ben, le cabaret, hein? Ben, les cabarets, chanson, il y en a une centaine à Berlin. Ouais. Il y a 3 opéras et il y a 50 théâtres dans cette ville-là. Vous imaginez, moi j'habite Québec, on en a 4 actuellement. Ouais. Donc vous voyez, juste pour comparer, c'est pas tout à fait la même chose. Alors ça explique pourquoi les arts de la scène sont à l'avant-plan. On intègre l'expressionnisme au théâtre, mais en plus on va complètement réinventer la relation spectateur-acteur. On va jouer entre autres dans des lieux exigus où le spectateur va être très collé sur la scène, donc ça va changer la dynamique acteur-spectateur. La façon de faire de la mise en scène et la relation au texte est complètement bouleversée aussi. Ouais. Alors c'est pour ça que Berlin se fait un nom dans ce secteur-là, parce que on y fait preuve d'une audace inouïe. Ouais. Et l'un des maîtres de ce nouveau théâtre, ce sera évidemment Bertolt Brecht. Bon, on y viendra dans un instant. Son théâtre a une dimension sociale. Oui. C'est très, très important. Mais vous parliez de nouvelles règles au théâtre. Je veux pas faire trop pointu, mais la fameuse distanciation brechtienne, c'est l'œuvre de Bertolt Brecht. On l'écoute, c'est quand même fabuleux, cet extrait. C'est lui-même, Bertolt Brecht, en 1929, qui chante, dans tiré de l'opéra de Katsu, La complainte de Maki. Und der Heidrich, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mäcki, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an dem Schönen. Quelle importance, Éric Dussault, aura Bertolt Brecht dans ce Berlin des années 20? Ben, il est tellement important qu'on ne peut pas se documenter sur le sujet sans tomber sur son nom, c'est dire l'importance que ça a. Mais au-delà de Bertolt Brecht, on va dire que le cabaret berlinois de l'époque, le théâtre, est politique, pas simplement social, mais très politique. Il y a carrément des idées révolutionnaires à travers le théâtre de l'époque, et on critique les élites de l'époque, on critique la montée du fascisme. Il ne faut pas oublier ça. Déjà. Hitler va accéder au pouvoir en 1933. Oui. Mais avant, il y a la préparation de ça. Il n'est pas arrivé là comme ça par hasard. Donc, il y a le putsch de la brasserie à Munich. Donc, il y a déjà une tension dans l'air. N'oubliez pas que Mussolini, en 1922, se retrouve en Italie. Donc, on commence à voir qu'il y a un changement en Europe à ce moment-là. Et l'Allemagne est au cœur de ces changements-là. Alors, ils sont tout à fait conscients. Entre autres, ces Juifs, on n'en a pas parlé, mais ils sont plus de 170 000 dans le Berlin de l'époque. C'est pour ça qu'on parle de la République de Weimar. C'est une république à ce moment-là, très instable, mais quand même. Et les Juifs sont totalement intégrés à cette culture-là. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un aspect très critique, très revendicateur, très révolutionnaire. C'est en lien aussi, je pense, avec peut-être une culture juive très, très dynamique et qui est totalement intégrée au Berlin. Vous mentionnez l'expressionnisme qu'on va retrouver au théâtre et au cinéma. Le cinéma allemand de ces années-là est un des cinémas les plus forts du monde. Une esthétique très forte et puis ce côté, un regard très critique mais très sombre. On devine ce qui s'en vient vraiment avec cet expressionnisme. Oui, tout à fait. Ça annonce... en fait, ils en profitent de cette liberté-là. Hein? C'est un peu comme le Bauhaus. Là, on va en profiter... avant que finalement les choses changent. Ça permet de s'inspirer du cinéma, entre autres. puis après ça, d'utiliser ce cinéma-là pour montrer un Berlin qui est très étrange. Il y a beaucoup d'étrangeté, il y a quelque chose de trouble. Il faut voir ce cinéma-là là, qui est difficilement compréhensible lorsqu'on le regarde. On est comme emporté, c'est comme de la poésie sur l'écran. On n'est pas dans un monde réel, mm-hmm. On est dans un monde complètement métamorphosé. Où les planchers sont en angle, les murs aussi. Il n'y a plus rien qui correspond à la réalité, finalement. Tout à fait, vous avez raison de le préciser. Et c'est ça qui va en faire quelque chose de marquant, qu'on reconnaît, on est dans l'irréel, dans un espace onirique, et même l'hypnose en fait partie un peu de ce cinéma-là. Donc, ça contribue à donner cet aspect d'étrangeté. En même temps, on sent bien qu'il y a une tension, on sent bien que ça annonce quelque chose de plus grave. En terminant, Éric Dussault, qu'est-ce qui reste de toute cette fébrilité des années folles dans ces deux villes que sont Berlin et Paris? Puis je vous dirais, au fond, laquelle des deux villes a le mieux réussi à préserver cet esprit, cet héritage des années folles? Ben déjà, si vous entrez années folles dans Google, vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de choses sur Paris que sur Berlin. À moins que vous vous intéressiez à des choses très pointues comme le Barras ou à Bertolt Brecht, à des noms qu'on a évoqués aujourd'hui. Donc, l'histoire entourant les années folles est beaucoup plus développée, me semble-t-il, du côté parisien, français, que du côté berlinois. Ensuite, Montparnasse joue encore la carte des années folles aujourd'hui dans l'industrie touristique, sauf qu'il ne reste plus grand-chose de cette époque-là, à part certains cafés qui ont survécu, mais évidemment qui ne sont plus les mêmes. Pour Berlin, que je connais beaucoup moins bien, je voudrais pas trop me prononcer, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les années folles sont davantage associées à Paris, dans le monde francophone du moins, que peut l'être Berlin. Et pourtant, elle a été importante, mais même lorsqu'on s'intéresse aux écrits, les Berlinois, les historiens allemands vont rehausser l'importance de Berlin comme capitale culturelle à ce moment-là. Mm-hmm. Et dans l'historiographie française, on va dire que c'est Paris. Mais selon le point de vue qu'on a, en fait, les deux s'équivalent pas mal parce qu'elles sont associées au cosmopolitisme, à l'avant-garde. Puis au fond, probablement que ce qui définit d'abord et avant tout les années folles à Paris, c'est l'héritage qu'on en tirera aujourd'hui encore et à Berlin, parce qu'au fond, la notion de contre-culture, qui est peut-être plus forte à Berlin à l'époque qu'à Paris, elle est aujourd'hui encore très, très présente dans cette ville qui se revendique de cette contre-culture du côté de Berlin. Mm-hmm. Et leur vie de nuit, on pourrait absolument dire ça. Paris, je voyais encore récemment là, dans les journaux que Paris voulait encore mettre la vie de nuit à l'avant-plan en termes de tourisme international pour attirer des gens. Donc, on pourrait dire qu'on est dans la continuité à ce moment-là. Éric Dussault, historien spécialisé en culture européenne. Merci beaucoup, Éric. Ça me fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.